vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 14 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Salut François, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Magnifique ciel ce matin, je sais pas si t'as remarqué. Hey, es-tu rose et orange et mauve et arc-en-ciel et etc.? Il est beau. Les petits poissons qui volent, tout. Non, je sais pas, il y a plein de... On dirait un monde de Mario Bros. Dans le temps. Non. Non? Non. Ben oui. Avec tes rabat-joie, moi, j'essaie de faire une référence que les jeunes comprennent avec leur Twitter. Avec leur Twitter. Va tweeter ça, là. Va tweeter le ciel. Hashtag, c'est n'importe quoi, ça. Donc, François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, on a Stéphanie Paradis en studio. Salut. Bon matin. Hey, bon matin. Ça va? Super. Oui. Oui. Super. Oui. Super. Ben oui. Hashtag? Super. Hashtag super. Bon, ben on aime ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas Angélie Durocher. Non, on n'a pas Angélie Durocher qui sera pas avec nous ce matin. Pour ne pas nous parler de ses coups de cœur. Elle a perdu son index, je pense. On l'a chopé, elle est si ronde. À savoir si elle va le retrouver pour la semaine prochaine. Sûrement, en fait, j'imagine. Mais bon. Ah, bon. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ensuite, pas là. À 8h, Jasmine Raymond-Réville et sa chronique de la GEQTR. Ça va avoir lieu, devrait être. Oui, ça devrait. À 8h30, Maxime Bilodo et d'une foulée à l'autre. Et parlons un petit peu de sa chronique, Maxime. La semaine passée, je sais pas si tu te souviens, là, François. Yeah. Mais t'as posé une question très intéressante, selon lui. Oh. Ouais, alors que nous entretenions du dopage dans le monde du cyclisme, toi, là, tu semblais dubitatif quant à la possibilité de recourir à des drogues améliorant les performances dans tous les sports. Tu disais que c'était pas possible dans tous les sports. Ouais. C'était possible. Mais à mon avis, en fait, le golf... Ben, c'est faux. ...qui est classé comme un sport... Je vois pas en quoi tu pourrais prendre des substances pour t'améliorer, mais bon, en fait, je vais questionner Maxime Bilodo. Je me garde des questions. Ouais. Ça va être vers 8h30. Hein? 8h30. Je pense que tu l'as piqué au vif dans ça. Non, non, mais je sais pas, en fait. Imagine-toi, te doper au golf. Je sais pas. Quelle utilité? C'est quoi? Tu marches plus vite entre les trous? Peut-être. Tu le finis en 2 heures, ton 18 trous? Ça va droit au tibia. Tu frappes ta balle plus fort ou tu vises mieux? Ben, tu vises mieux. Je sais pas. C'est peut-être un sport améliorer de précision. Ta vue. Peut-être, dans ce cas-là, tu peux manger des carottes. Tu peux, en fait, les gens savent bien. Mais ça, c'est légal. Ça, c'est légal, mais en fait, là, je pense. Peut-être que ce l'est pas. On verra. Oui, à la maison, mangez vos carottes. Hey, quelle leçon! On dirait une mère prête à enseigner la vie. Brush your teeth. Oui, stay in school, don't do drugs. Non, c'était quoi, hier ou avant-hier, dans le jeu vidéo qui est à l'envers? Mangez vos légumes, ouais, et brossez vos dents. C'était ça. Hey, oui, les gens écoutent. Ben, oui, Diablo, j'écoutais moi aussi. C'est dans Diablo, ça? Dans Diablo, ouais. Oui. Tu vois, François n'a jamais pu te dire ça. Tu écoutes, mais t'sais. Non, mais je retiens pas tout. Non, mais à deux, on refait un peu tes faits. Ouais, c'est ça. On se complète. On écoutait chacun notre moitié, puis là, ce matin, on peut te répéter ce que t'as dit hier. Le canal gauche et le canal droite du stéréo. Sinon, on va débuter l'émission presque avec Stéphanie Paradis. Tu vas nous parler du prochain Zone Campus, en fait, qui est sorti hier. Exactement. Ça va être bon, ça. Oui. Ouais. Ben, mais hein. Ouais. Soccer, entre autres. Soccer, oui. Les Patriotes qui ont fait ses efforts hein, cette année. Ils sont en feu. Ben, habituellement, en fait, on est habitué de voir ça au hockey. Mais là, c'est au soccer. Oui. Surprise. Surprise? Ben, oui. Surprise quand même, en fait. Oui, parce qu'ils ont été au 6e rang pendant longtemps. Donc, déjà, là, de gagner l'or pour le championnat universitaire. Et ensuite, le bronze ouais, au championnat canadien. Canadien, c'est ça, exactement. Oui. Aucun dopage en plus. Aucune drogue là-dedans. Non, sûrement pas. Okay. Mais non. Je sais pas, on le demandera à Maxime Dodo. C'est une bonne question. On va commencer avant ça, avant même Zone Campus, on fera un petit c'est un fait Kinky Sexy Time, juste pour avoir un petit peu de. Tu sais. De moment croustillant. De kinky, de croustillant, j'aime ça, de juteux. Ouais, non. Sors ton jus à matin. Donc, on commence avec Trio, voici Ladi Lafay, bonne émission. C'est bien qu'on ait une blague douteuse dès le départ. Hein? Pas fini, là. Il reste 2 heures encore.

tapis s'en prendront à mes pieds. Si je tombe et si je tombe, ferme tes yeux et prends mon cœur si tu veux. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, Chantal Archambault. On dirait que ça sonne vraiment comme, comme ta voisine, Chantal. Trentle. Chantal. Chantal Archambault. Hein? Trentle. Ah, Trentle. Oh, excuse-moi, j'ai pas l'accent. Oui, oui. Et la pièce, c'était Mets mon cœur. C'était pas nanana nanana nanana nanana. Non. Non? Donc, François Marchand, Stéphanie Paradis, Mathieu Plante. Ah, c'est ça. Et c'est le moment de cette fait Kinky Sexy Termination. Ouais. Non, tu parles. Donc, Kinky Sexy Termination, c'est évidemment des faits un petit peu plus osés. Et vous êtes là pour me dire si les choses sont vraies. Parce que je n'y connais rien. Moi. T'as jamais fait ça, toi. La prude, c'est ça, exactement. Donc, la cause la plus commune, la raison la plus commune qu'on se fracture, qu'on a une penile rupture, c'est rupture dans le. L'engin masculin. Ben là, tu peux-tu être moins l'engin précis? Masculin, une rupture. Non, mais une rupture où? Ben, une rupture dans peut-être les veines, quelque chose comme ça, sûrement. Les veines. Ta veine, c'est ouais. Rupture? Ben, c'est pas une veine. Non. Quoi? Tu sais, le gros canal. Ouais. Mais c'est pas une veine. Ben, une non, veine? Mais c'est quoi? Comment t'appelles ça de bord? Mais je sais pas. Commence mal, comment t'appelles ça? On va trouver le terme exact. Non. Le terme médical. Terme médical. J'arrive avec ça. Oh. en français, on dit... J'avais pas tort. Là. Okay, peut-être que j'ai tort dans la façon de l'expliquer. Là. Mais c'est une fracture. Donc, briser l'engin masculin. Fracture du pénis. Okay? Penile rupture. Ça va? Oui. C'est à cause de la masturbation vigoureuse. Il y a des gens qui se... Parce qu'on a parlé récemment, c'est un fait, de la rupture de l'engin. Mm-hmm. Que c'était possible de se le casser. Même, tu sais. Non? Tu t'en rappelles? Oui. Bon, ben ça se fait, puis c'est à cause de la masturbation. Bon! Ça, ah ouais, ça veut dire que si tu te brosses ça trop fort, ben, oui, ça arrive. Pas, ouais, ben. Faut quand même y aller vigoureusement. Non? Oui, ben c'est d'où le nom masturbation vigoureuse. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Oui, mais non, mais... Non, mais ils me font voilà d'un imbécile, mais c'est ça, Colin. Désolé, c'est pas parce que j'ai pas de pénis que... Eh boy, je sais pas ce qu'on va s'en aller avec ça ce matin. C'était le premier non. De comme 20. Il y a entre 500 et 1000 morts par année à cause de l'asphyxiation auto-érotique. C'est le même nombre, en fait, c'est, on dit égal, mais plus ou moins égal, au nombre de meurtres à New York City à chaque année. Entre 500 et 1000 morts par auto-asphyxiation auto-érotique. Bon. C'est quand même beaucoup, non? C'est non nombreux. C'est vigoureux, comme je dis. On a déjà parlé, encore une fois, là, quand je sais que je me répète, je le dis à l'avance, je sais qu'on avait parlé du fait que l'engin féminin, d'accord, était en forme un petit peu de wishbone, tu sais, l'os qu'on sert pour faire un vœu, là. Ah oui, l'os de poulet, là. L'os de poulet, c'est ouais. Un peu la même forme que ça. Ça mesure entre 3 pouces et 4 pouces et demi. OK, on avait dit qu'il y avait des petites pattes, puis tu sais, on avait dit une tête et des petites pattes. C'était comme super récent, cette chronique-là. Là. Même toi, tu devrais savoir, là. François, attends. Oui. Donc, c'est ça. On avait parlé de ça. On avait aussi parlé de pelvic prolapse. On avait dit que c'était possible pour le vagin, hein, là, j'ai dit, de tomber. OK? Mm-hmm. Est-ce que vous vous rappelez ça? Oui. On le croyait pas trop. Ouais. Bon. Ben, c'est possible. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il vire à l'envers et il pend entre les jambes. Ouais. Il vire à l'envers. Il sort et pas entre les jambes, c'est ce qu'on appelle pelvic prolapse, et ça arrive, ça existe. C'est ouais, bizarre. C'est pas une belle image. Non, mais tu sais, moi j'étais comme dubitatif, j'étais pas sûr de le croire, un peu comme François d'habitude, ou en tout temps. Et à moins qu'on lui montre en pleine face, parce que sinon il croit pas. François, veut pas voir ça. Tu veux pas voir ça en pleine face. S'il te plaît. Mais ça existe, et voilà l'explication, je voulais me corriger. Donc, toujours dans le domaine féminin, c'est prouvé scientifiquement que l'éjaculation chez la femme existe. Parce qu'il y avait, un mythe derrière ça. Les gens n'étaient pas sûrs que ça existait. T'sais, les gens qui sont pas capables de rendre la fille jusqu'à là. Ah, OK. Mais je ne croyais pas que ça se pouvait. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont capables. Pas toutes les femmes. Non. C'est ça. Mais pas ça sur le dos des hommes qui sont pas capables de rendre les femmes jusque-là. Ah, là, s'ils veulent mettre ça sur le dos, ça dépend de la position. Non. Wow. Non, ça passe pas. Ça. Non. Ça passe non, pas. Non. Ouais, c'est pas super. Oui, c'est pire. On l'a averti au départ que c'était vulgaire. Mec. La trypsolagnie. Trypsolagnie. Et là, évidemment, je vais juste prendre le mot en anglais qui est trypsolagnia et je mets un E à la place du A, comme si c'était comme ça qu'on traduisait en français. C'est être excité sexuellement par le shampoonnage du cuir chevelu. C'est se faire shampooer. Ah ouais, ça les t'excite. Cheveux. Ben pas moi, là, mais les gens qui sont atteints de trypsolagnie. Ouais, en même temps, sincèrement, quand je vois chez la coiffeuse, là, c'est une des choses que j'aime le plus. Oui, je pense. Ben des fois, ils font ça longtemps en plus, hein. T'sais? Ouais. C'est comme très. J'ai déjà demandé un extra, mais tu sais. Ça a-tu coûté plus cher? Extra plus longtemps, ouais, ouais. Ouais. Tu peux demander ça, ouais, tu peux le demander, en fait. Ah ouais! Ah ouais! Intéressant. Ah, ouais. Ça vaut la peine, pour vrai. Ben, à quand tu te vois que tu y vas. Est-ce que tu laisses du type en plus? J'imagine qu'il faut que tu calcules le pourcentage de type avec l'extra que tu as payé, fait que ça coûte super cher. Non, non, pas super. En même temps, je vois quoi une fois par année. Quand même, fait que... Ça paraît. Ça paraît. En 2008, une femme britannique a été poursuivie par ses voisins parce qu'elle faisait trop de bruit au lit. OK. 30% des femmes qui ont plus de 40 ans sortent avec un homme plus jeune. 30% des femmes de plus de 40 ans. OK. Les cougars? Cougar! Cougar Town! Les cougars? Exactement. Comme Courtney Cox à TV. À TV. Il y a une série qui s'appelle Cougar Town. Ah, je ne connais pas ça. Ça joue à Mademoiselle en français. Oui, oui. Ça veut rien dire, c'est pas intéressant. Ce qu'on appelle pearling. Pearling, OK, P-E-A-R-L-I-N-G. C'est une modification corporelle où on insère, de façon permanente, des billes en dessous de la peau de l'appareil, genre, génital. Ah. On installe des billes, ça fait comme des petites bobosses. Ouais, mais il y en a qui font ça un peu partout. Là, c'est... Ouais, c'est comme le donut. L'affaire, vous avez tout, j'imagine, vu les sur Internet les bagels. C'est les gens qui se font comme faire une genre de bulle de. Je sais pas si c'est du Botox, quelque chose comme ça. Et puis ça fait un genre de. On dirait un bagel. Pourquoi? Sur leur front. Ben, parce que c'est pour eux autres original et hot et cool. Ah, okay. Alors que c'est vraiment affreusement laid. Mais bon, ça, ouais. qui suis-je pour juger de ça? Tape Bagelhead sur Google si jamais t'as joué ça. Vas-y. Ouais, ben Bagelhead, ça va appeler. C'est vrai que je t'ai pas gagné. Bagelhead. faites la même chose à la maison, là, ça va appeler. Ensuite, il va réagir avec dans 30 secondes sur ma peu. Hop, 3, 2, 1. Ça sera pas long. C'est ça. L'aérophilie. Ah. L'ordinateur est lent, celui-là. L'aérophilie. H-E-I-R-O-philie. C'est être allumé sexuellement, OK? Par des objets sexuels ou sacrés. Pardon, j'ai dit sexuel, c'est religieux. Religieux ou sacré. Les objets religieux. Ça t'attire, ça te. Swing, hein? L'aérophilie. Une bip, une croix, là. Oui. La soirée partie. Non, mais c'est fou, hein, comment est-ce qu'on se rend compte que tout peut être un fantasme? Ouais. Et il y a un mot pour chacun et je vous les dirai tous. C'est incroyable. C'est comme le trois quarts de la chronique, Adam. T'as trouvé Bagelhead? Hein? Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En 2009, une secte sexuelle ou une sexte. Non, ça, c'est sexting, ça n'a quand même pas rapport. Hein. Sexting, c'est s'envoyer des photos tenues par Facebook, par téléphone. Ah, ouais. Donc, une secte sexuelle d'Australie forçait les gens à avoir des relations sexuelles en public et leur disait qu'en le faisant, leur moisson de bananes pousserait plus vite. On peut dire une moisson de bananes? Donc, ouais, quand pousser leur crops là, de bananes, c'est dans leur. Les récoltes, là. Les récoltes, bravo. C'est ça. Ça, c'était une secte sexuelle. Les hommes qui regardaient... les hommes qui regardent des porn, pornos, pornosonic. La porn. Dans le fond, dans laquelle il y a deux hommes et une femme, OK, produisent plus de sperme que ceux qui regardent de la porno avec juste des femmes dedans. Ah ouais. Ah! Super, hein? Eh bien. Prenez des notes. C'est peut-être un petit boost de testostérone. Je pense que oui. Ouais, c'est l'esprit compétitif du mâle. Le changement de sexe d'homme à femme est plus facile à performer que de femme à homme. Moi, je m'attendais à femme à homme, tu sais, à chop-chop pis ego. Chop-bye. Mais non, c'est pas si facile que ça. Moi, je pensais que c'était pas mal le même travail. Ça jamais. Je trouve ça bizarre. Mais, bon. Mais c'est beaucoup plus facile de rentrer un pénis par en dedans que d'en construire un. C'est comme ça qu'ils font ça? Ben oui, c'est comme ça qu'ils font le vagin. Ils vont prendre le pénis et le rentrer par en dedans, c'est ça qui fait le vagin. c'est beaucoup plus facile que de prendre un vagin puis de faire quelque chose qui est capable d'avoir une érection, non? Oui, ben, moi, je trouve ça tout à fait logique. Ben, tout à fait. Une chance que t'étais là, une chance que t'étais là pour nous éduquer de même. Pourquoi c'est pas toi qui as fait la crâne? C'est peut-être meilleur. Size Queen. Est-ce que tu connais le terme Size Queen, Steph? Size Queen. Size Queen. Non. C'est un terme slang pour une personne qui préfère un engin masculin plus gros que la moyenne. Ah, OK. Size Queen. Vous en faites ce que vous voulez. Et lorsqu'on a amené le jeu Twister sur le marché en 1966, les critiques disaient que le jeu était... Et là, c'était négatif, là, parce que là, ça va avoir l'air positif en le disant comme ça. Mais que c'était comme sex in a box. Sexe en boîte. Moi, je trouve que ça a l'air bien dit comme ça. Ça donne envie de l'acheter. Mais c'était des critiques, ça. Et je déteste tellement le Twister. Colin, comment ça? Ouais, là, come on. Ben, come on, en effet. Tu mets de l'autre bord. Pas rapport, ça? Non, c'est pas, non, ça? Pas du tout, non. Ben, pied gauche, vert? Non, pas du tout. Non? Bon, tant pis, hein. On joue tout seul. Ah, bon. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça, je joue tout seul. Deuxième partie, c'est un fait dans quelques secondes. Mais avant ça, on écoute Marie Plastique de Tremblay, assemblage requis. Puis Marie Plastique... C'est ça. Je pense qu'on a déjà fait ce jeu de mots-là sur... J'imagine. Le plastique puis le sexe. Ouais. Il y a sûrement... ouais. Tu sais, là, les filles ou les gars qui s'enveloppent dans une affaire de latex puis qu'on enlève l'air dedans, il y a un fétiche sexuel là-dessus. Il y a une machine que tu peux acheter sur Internet pour enlever l'air de ça. Et comme poigne dans du plastique, c'est ça. Wow. Il y a le cellophane pour maigrir. C'est pareil. Tu sais, c'est comme un deux d'un coup, tu sais. C'est ça. Mettre l'argent dans ton make-up, t'en mets du temps, mais t'es pas plus hot. T'es plus quelqu'un, t'es rendu quelque chose. Tu te regardes avec les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique, Marie Plastique. Drop ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Ouais, t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique, Marie Plastique. Sans ton, ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique, je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique, enlève son don, ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu veux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air? Marie Plastique de Tremblay, assemblage requis, et c'est toujours la chronique, c'est un fait. Par contre, on change de domaine un petit peu, on lâche le sexe. Le sexe, ah! Pour y aller avec le mot de l'année, selon les dictionnaires Oxford. Le mot de l'année? Le mot de l'année, c'est GIF. GIF comme un GIF animé, là. OK. On est en 2012, mais c'est maintenant que c'est le mot de l'année parce qu'ils ont décidé qu'il y aurait un mot de l'année comme on a une personnalité sportive de l'année ou un truc comme ça. Donc, GIF, évidemment, s'est transformé, s'est créé un fichier GIF, donc .gif, à partir d'une séquence de photos ou clip vidéo en image qui se répète tout le temps comme depuis le début de l'Internet, là, mais c'est le mot de l'année selon Oxford. Bizarre, hein? Un petit peu en retard, quand même. Un petit peu, mais c'est bien, bien à la mode en ce moment. Je peux comprendre. Il y a beaucoup de Tumblr, de blogs, de GIFs animés, mais quand même, mot de l'année, pas sûr. T'sais. J'aurais dit épique, là. On dirait que tout le monde dit ça cette année. Oui, mais ça, c'est encore une fois, au Québec, on est en retard. Le mot épique, c'est vraiment super démodé en anglais, là. Épique, tout le monde dit ça depuis des années. Epic fail, entre autres. C'est beau. Et là, chez HMV, c'est genre l'achat épique du mois. What the fuck? Ah ouais, pour vrai? Ils ont changé ça? Sérieusement, c'est n'importe quoi. Oui, l'ancienne. Attention, oui, il y a vraiment l'ancien exorciste du Vatican. Donc, il y a un ex-exorciste, un ex-orciste, finalement, du Vatican. Il dit que pratiquer le yoga, c'est satanique. Il dit que ça mène au mal. Donc, it leads to evil. Hein? Donc, c'est le Father Amorth qui a dit ça. C'est l'ancien exorciste. Il dit ça mène au evil, exactement comme la lecture de Harry Potter. Ça aussi, c'est evil, selon l'ancien exorciste du Vatican. Ben oui. C'est bon, ça. Lisez pas Harry Potter, c'est mal. La panthéraphobie. Qu'est-ce que c'est, la panthéraphobie, vous deux? La peur des panthères. Évidemment, mais non, pas du tout. Ah. C'est la peur de votre belle-mère. Vrai? La panthéraphobie. C'est P-E-N-T-H-E-R. Panthère, l'animal, c'est P-A-N-T-H-E-R. En anglais. Oui, merci pour ton cours de français. C'est en anglais. En français, c'est pas de même, non? Oui, peut-être. Panthère, en français, c'est P-A-N. Ben oui, il me semble. T-H aussi? Oui. Ah, ben merci pour le cours de français de ton bord. T'sais, moi, c'était sarcastique. Moi, c'est pas vrai. L'année dernière, le Corduroy Appreciation Club, le club d'appréciation du Corduroy. Tu vois comment je traduis bien? Comme exactement la même affaire, mais à l'envers. Ils ont célébré le 11 novembre 2011, donc le 11 du 11 du 11. Ils disaient que c'était la journée qui ressemble le plus à du Corduroy. Non? Quoi? Ben déjà qu'il y a un club, je trouve ça déjà un peu bizarre. C'est appréciable pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire le 12-12-12 de cette année? Un 2, le jour de l'armée. Quoi. Peut-être. C'est beau. Ou du sexe? Un 2. Non? Ah, tu comptes ça dans ta tête? Ouais, c'est ça. C'est comme pas de danse, pas de bourré. Ensuite, les requins et les raies. L'animal, la raie, ça existe, hein? Oui. C'est ça? C'est ça qui avait tué... Steve! C'est quoi son nom? Erwin. C'est ça, okay, exact. On se comprend. Donc, les raies et les requins sont les seuls... sharks, c'est bien ça, requins? Ouais, ouais. Okay. Sont les seuls animaux qui, en fait, qui sont connus par l'homme. Et, dans le fond, c'est les seuls animaux connus par l'homme qui ne peuvent pas avoir le cancer. Les seuls animaux que les hommes connaissent qui ne peuvent pas avoir le cancer parce que sûrement des animaux qu'on ne connaît pas. Là. C'est ça que ça veut dire. Bon. L'opossum femelle a 13 chétines. L'opossum. Peut avoir beaucoup de petits. Ben, j'imagine. 13? C'est 13. C'est asymétrique, j'aime pas ça. Tout à fait, c'est pas droite. 14, ça aurait été parfait. Oui. 12? Pas 13. Une douzaine. 13 par contre. 13 à la douzaine. Ben, exactement. Comme Renault Dépôt. Hein? Renault Dépôt. Ouais. Renault Dépôt. Ben ouais. Mais comment, Mathieu? Comment? Les annonces de Renault Dépôt. Ben oui, comment? T'en achètes 12, puis t'as le 13e gratuit. Ben, ils sont. 13 à la douzaine. Ils ont copié les pâtissiers. Qui, on appelle ça Baker's Dozen, la douzaine du pâtissier, où ils mettent 13 beignes dans leur douzaine, eux autres. Oh. OK? Fait que ça commence... C'est pas Renault Dépôt qui a inventé ça, mais... Hein? C'est tellement grave qu'on comprend rien. Bon. Hein? En tout cas, bref, parle à maman. C'est quoi déjà Sea Otters en français? Attention. L'outre de mer! Bravo. C'est eux qui ont les poils les plus... Je l'avais comme traduit pendant la pause. Bon. Donc, c'est ceux qui ont les poils les plus épais de tous les animaux sur Terre. Chaque loutre de mer a environ 800 millions de poils sur son corps. C'est bien. Puis les autres, ils en ont combien? J'ai pas de point de comparaison. Fait que 800 millions, ça... Ben, 800 millions, tu peux douter que c'est beaucoup, je pense. C'est beaucoup, ouais. Mais de combien? Ben, bonne question. Ben, d'une couple de millions, certains. Okay. Sûrement. Bon, mais quand même. Je me corrige moi-même instantanément. Correction instantanée, j'aime bien ça. C'est pas les poils, spécifiquement le poil en tant que tel le plus épais, là, pour ceux qui auraient compris ça. C'est ceux qui ont le plus épais de poils. On se comprend là-dessus? Il y en a le plus, là. Ouais, c'est ça. Ben, le plus. Ouais, c'est ça. Comme quand t'as les cheveux épais, là, c'est que t'en as beaucoup, ça. Bon, on se comprend. Ce qu'on appelle le porpoise. Porpoise? C'est comment on appelle ça en français déjà? Ça doit être le marsouin. Marsouin, ça? Bravo. Donc, le marsouin est le deuxième animal le plus intelligent de la planète après l'homme, si on considère l'homme comme un animal. Le marsouin. Selon une étude. Ce qu'on appelle... est-ce que je l'ai traduit, celle-là? Oui, attends un peu, je l'avais ici. J'étais en train de le traduire alors qu'on revenait en nom. Ce qu'on appelle l'animal le sloth. Sloth, c'est, je crois que c'est le paresseux. Ouais, le paresseux, okay, ouais. Exactement. Donc, le paresseux, ça prend environ 2 semaines pour digérer sa nourriture. 2 semaines. Il est effectivement très paresseux. En effet, il fait ça lentement. Presque autant que moi. Ça me prend pas 2 semaines, mais proche. Il nous en reste que quelques-uns, petits faits comme ça pour terminer. On parle de sport maintenant. En 1963, il y avait 10 883 allées de bowling. 10 883, okay, ça c'était en 1963. En 2002, ça avait descendu à 5 973, la moitié à peu près. C'est triste. C'est très triste. Parce que c'est le fun. On voit pas tant d'allées de bowling à Trois-Rivières, hein, de quilles. Il y en a une au Cap, je sais, comme ça. Au Cap, au Trois-Rivières-Ouest. Oui, Trois-Rivières-Ouest. Exactement. Ouais. Pas mal ça pour ouais, parce que. J'ai pas fait d'inventaire vraiment, là. Non, t'es pas une grande amatrice, amateur, fan? Ben, une fois que t'as ton allée, t'as pas besoin d'en trouver d'autres. Ben, c'est ça. T'es satisfaite avec une seule allée. T'as ton allée? C'est quoi ça? Mais non, mais je veux dire. Est-ce qu'on est revenu dans Kinky Sexy Time? Une fois que t'as trouvé ton allée, tu boules tout le temps la même. Non, non, n'importe quoi. Mais tu sais, un mini-poche, tu peux. Tu sais, tu cherches un autre terrain pour. Varier un peu les trucs. Mais une allée de bowling, c'est tout le temps la même allée. T'as pas besoin d'en chercher d'autres. Non, varier les trous, un autre terme sexuel d'ailleurs. Varier les trous, comment? Non, non, mais souvent, les allées ont des défauts. Là. Faut-tu. Ben, c'est sûr, je te dis, quand t'as trouvé ton allée. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est de la trouver. C'est de la trouver, c'est ça. Tu magasines des allées pour mais faut que t'en fasses beaucoup. Puis encore là, faut que tu décides sur le choix des petites ou des grosses. Moi, je préfère les grosses. Ouais, pour vrai? Ouais, c'est comment qu'on appelait ça, la filie, quelque chose, tantôt? Je préfère les grosses. Ben, écoute, Le nombre de parties parfaites au bowling, d'ailleurs, une partie parfaite, c'est 300 points, c'est ça? Ouais. 300 points? Hein? Moi, je ne savais pas, je l'ai appris à matin. Donc, 300 points. Donc, le nombre de parties parfaites en 1952 était de 198. On a compté ça, apparemment. Alors qu'en 2003, c'était 48 810 parties. Je sais pas si le système était moins fiable dans ce temps-là, puis on comptait pas tout au complet, ça. C'est pas master, c'est informatique, là. Ben, c'est ça. T'sais, donc. C'est l'ordinateur qui t'a dit. L'ordinateur! On se tombe plus. C'est combien d'abos pour une partie parfaite? C'est 15? C'est Dancing Queen, ça. Il y a 10 carreaux. Ouais. Ça serait 12. Parce que le 12? 12. Donc 13 chez Renault Depot. Exactement. Tu suis, c'est bon. Yeah. Ah! Mais je pense, là, non, je suis pas sûr, parce qu'honnêtement... Je sais pas, parce que les points s'accumulent. Alors, ouais, en fait, calculer les points, c'est très compliqué. Mais c'est ça que j'allais dire, y a-tu vraiment quelqu'un qui sait comment compter ses points? Ben, maintenant, non, là. Dans le temps, oui, t'avais pas le choix. Ben, c'est toi ça. Qui... Ah. Écoute, on est rejoué au quai. Ouais, c'est cool. C'est fou, là. C'est cool. C'est parti de quai, c'est fou. Zone campus. Ça serait fou. 89 FM. Exactement. On vous invite au quai, tout le monde. Viens jouer au quai. Ça va être la sortie de l'année. Mettez vos doigts dans le trou. Okay. Voilà pour regarder que c'est un fait. C'était un amalgame aujourd'hui de sujets les plus variés. Là. On prend une pause au retour. On parle avec Stéphanie Paradis qui est toujours là. Oui. Zone Campus. Yeah. Mm-hmm. Zone Campus, il n'y a pas vraiment de jeu de mots plate à faire. Ben, il y en a plein. On les fait hors ronde. Zone Prépus. Puis ça, on fait ça. Non, dis pas ronde. Dis pas ça. Je sais, mais je l'ai pas fait. C'est déplacé aussi. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. Toujours à Assemblage requis avec François-Louis Marchand, Mathieu Plante et notre invité Stéphanie Paradis. Bonjour. Salut. Briseuse de micro. ça paraissait même pas. J'avais tout arrangé ça pour que ça paraisse. C'est moi ça l'autre qui raconte tout. Tu vois ça tantôt, François? Ouais. Tu commences à faire ça en nom, toi, là? C'est... Pas sûr que c'est super bon pour le micro, par contre. Pas tout à fait, non, c'est ça. T'as toute la chronique pour l'arranger parce qu'on va parler du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Stéphanie Paradis, bonjour. Salut, bon comment, matin. Comment allez-vous, madame? Très bien. Oui. Depuis quand tu me vois? Je sais pas, depuis que ça a l'air plus professionnel. Là. Hein? Ah, ben non. Oui. Donc, sur le campus avec en couverture du soccer masculin, est-ce qu'on en parle tout de suite ou on en parle en sport tantôt? On en parle tout de suite. Tout de suite, allons-y, soccer. Ben oui. Ben en fait, j'en ai parlé tantôt, là, c'est une fin de saison glorieuse pour les Patriotes. Donc, les Patriotes qui ont dû affronter premièrement les Citadins de l'UQAM en demi-finale. Ça s'est très bien passé. Donc, avec cette victoire-là, sont allés en finale, finalement. Finalement. Où ils ont remporté le bronze. Donc, ça s'est déroulé du 8 au 11 novembre dernier. Les Patriotes se sont rendus à Québec pour participer au championnat canadien. Et c'était la première fois depuis 2001, donc ça faisait quand même très longtemps. Donc, 11 ans, mettons? Oui. Oui, 2001, je faisais. Si, ouais. Si on veut, là. Si je compte sur mes doigts, là. Fait que c'est ça, donc, très bonne nouvelle pour les Patriotes au soccer masculin. Félicitations. On va retourner au début du journal? Oui. Voir ce qui se passe en actualité. Actualité. Donc, premièrement, peut-être, éventuellement, un futur café étudiant. Donc, ça serait en collaboration avec la Chasse-Galerie. Donc, c'est pas annoncé officiellement. C'est un projet existant pour l'instant. Donc, c'est là Michel Sarrazin qui est en retrait de tous. Ça serait une bonne idée. Ben oui. Pour vrai, oui. Écoute, ils sont vraiment éloignés. Ben, c'est justement, on dit que le pavillon Michel Sarrazin est situé très loin géographiquement de la Chasse-Galerie. Donc, on veut que les étudiants du MS aient droit aux mêmes produits que tous les autres étudiants qui ont une plus grande accessibilité au café. Ben, c'est une très bonne idée d'avoir une extension de la Chasse-Galerie et non pas une extension d'un autre Tim Hortons. Exactement. Par exemple, là, un nom dit au hasard comme ça. Encore une fois, on l'a cherché un peu. Il est rendu au Starbucks. Il n'y en a plus de Starbucks, François. Il n'y a plus de Starbucks. Plus Starbucks! Non, c'est fini? Non, je le trouve pas. Il n'y a plus de Starbucks. Il y avait un Starbucks avant, un vrai Starbucks avec le vrai café Starbucks. Ici? Oui, il n'y a plus ça. Tu te rappelles pas? Ben non. Oui. Ben oui, mais il y avait le logo, tout. C'est vrai. C'était à côté de la Chasse, c'était à côté du café bistrot urbain. Pendant un bout, puis avant moi ça, c'était plus. En bas où il y avait le Tim Hortons maintenant. Mais moi non plus, je m'en rappelle pas. Moi, je pense que t'as rêvé à ça. Ça fait 2-3 ans, là, de ça. Je peux vous retrouver l'article dans le Zone Campus, si vous voulez. Un OK, jour. C'est bon. OK, parfait. Mais il n'y a plus ça. Je le vois plus. Ah, c'est fini. C'est Tim's ou Chasse. Bon. Donc, toujours en actualité. Oui, on a les éditions Mine d'Or, que c'est un étudiant, oui, je le cherche, au baccalauréat en enseignement des arts, M. Jean-Pierre Veillet. Donc, le 2 novembre dernier, a lancé sa propre maison d'édition. Donc, ça s'adresse particulièrement aux jeunes. Donc, c'est soit de la littérature jeunesse ou écrite, ou écrite par des jeunes. Donc, pour aider principalement à la relève. Hein? Pardon? Parce qu'il faut que ça soit écrit. Faut que ce soit écrit. Avec d'où le mot, le nom mine. J'imagine, c'est de ça, sûrement. Mine. Ah, oui, comme mine de crayon. Je sais pas. Oui, ben oui. À moins que ce soit vraiment comme pour tuer du monde avec des mines antipersonnelles. Oui, oui, c'est parce qu'il y a aussi des mines comme une mine d'or. Oui. Tu sais? Ou une mine. Je viens de comprendre le jeu de mots, non? Ouais, c'est ça. C'est de l'art ART. Oui, mais là, c'est R-A-R-T et non R-O-R. C'est beau. C'est beau. C'est bon. Donc, on parle ensuite de Place à la relève en gestion. L'édition concluante, encore une fois. Une édition concluante parce que, en fait, oui, on dit que c'est un succès, mais principalement dans l'organisation, les erreurs sont moins fréquentes parce qu'on prend l'habitude à l'organisation. Mm-hmm. Cependant, il y a eu beaucoup moins de jeunes qui sont allés finalement que le nombre attendu. Ils étaient 256, mais on en attendait environ 380. On a mis ça sur le dos de la grève étudiante parce que beaucoup de cégeps ont dû reprendre des cours, donc ils étaient dans des sessions intensives. Okay. Et plusieurs ne voulaient pas augmenter leur charge de travail. Aussi, on dit qu'en général, ils étaient moins préparés, toujours à cause de la grève étudiante et du rush, si on veut, parce que c'était des grosses sessions pour certains. Mais ça a quand même été un succès. Là. Tout s'est très bien déroulé. Tout le monde était heureux. Tout le monde était très enthousiaste. Tape dans la main. Clac. Super. Ensuite, on parle des portes ouvertes de l'UQTR qui ont eu lieu le 3 novembre dernier. Oui, toujours un succès. Écoute, tout ce qui se passe à l'UQTR, c'est un succès. Selon les gens qui les ont gagnés. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, sur place, les futurs étudiants avaient la possibilité de découvrir les 225 programmes offerts par l'UQTR. Ils avaient aussi accès à des kiosques, un kiosque pour faire des demandes d'admission sur place. Ils pouvaient aussi rencontrer des enseignants, les directeurs de département, des étudiants des divers programmes pour pouvoir s'informer adéquatement sur toutes les possibilités offertes à l'UQTR. Mm-hmm. Ensuite, entente de partenariat entre ILEA Trois-Rivières et l'UQTR. Oui, donc IDE, Innovation et Développement Économique et l'UQTR ont conclu une entente de partenariat pour le développement économique trifluvien. Donc, on veut faire bénéficier toute toute Trois-Rivières, pardon. Les chercheurs aussi, d'ailleurs. Ben, c'est en fait, ils veulent faire profiter l'expertise des chercheurs. OK. À l'ensemble de la population. Je vois. Donc, un exemple de projet concret qui a débuté avant même le partenariat parce que déjà, ils travaillaient ensemble et c'était rien d'officiel. Donc, c'est le projet Infologique Innovation. C'est pour l'amélioration de la qualité de vie grâce à la conception de solutions mobiles spécialisées. Donc, des applications pour téléphone mobile, entre autres. Donc, on a l'application Marty, qui est un assistant interactif qui va favoriser l'apprentissage et faciliter la réadaptation et assurer un soutien à la réalisation des tâches. Par exemple, pour des tâches très simples pour les personnes déficientes, comme seulement attacher ses souliers ou connecter la bouilloire électrique, okay. Des trucs comme ça. Donc, je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est des projets très intéressants. C'est pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Exactement. Pas nous autres. Après ça, Simon Fitzbé a son texte d'opinion en pleine face. Oui, la moustache hypocrite. Oh. Parce qu'on peut être généreux sans avoir l'air fou. C'est vrai, ça. Donnez donc de l'argent à Movember à la place de... Se faire pousser la moustache. Pour rien. En fait, on parle beaucoup de la mode du Movember. C'est très mouton, littéralement. Oui. Non, comme des poils. Un petit peu frisé. Moi, je suis rendu quasiment contre ça. Je trouve ça ridicule. Les gens qui font pousser la moustache donnent aucunement d'argent. Ça aide aucunement la cause. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, là, ouais, pour mais... être le fun comme la barbe des séries, tu sais. N'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est une mode, ouais. Mais... Au moins, ça envoie l'image que tu portes la cause. L'image, c'est pour l'apparence. Oui, c'est exactement. Ça. Exactement, c'est pour l'image. T'as l'impression de donner à la cause, mais tu fais rien, dans le fond. Non, je sais. Mais le but là, de ça, c'est quand même de supporter la cause. En la supportant pas vraiment, non? Ben, tu sais pas. Les gens qui ont la moustache, ils ont peut-être donné aussi, là. Peut-être, oui. Ben, certains. Mais j'imagine, s'il y avait une étude qui était faite là-dessus, je dirais un faible pourcentage. Sûrement pas tout le monde. Non, vraiment. Non, pas tout le monde. Mais puis c'est pas en faisant... Je dirais peut-être pas un faible pourcentage. Ouais, okay. On pourrait en parler longtemps. Je sais pas. Faudrait s'informer, demander aux gens qui ont la moustache, est-ce que tu as donné pour le Movember? Faire un vox pop, là. Et se rendre compte, quoi? Est-ce que c'est le Movember? Et on se rend compte que cette personne-là porte la moustache à l'année et un malaise. Oh, malaise, en effet. La moustache à l'année, c'est jamais très rassurant. Donc, Simon Fitzbé et la moustache hypocrite, c'est dans sa chronique en pleine face. Et on a une autre chronique juste après, c'est celle de Michael Da Silva. Oui, les jeux vidéo sont-ils nocifs pour la santé? Donc, on va démystifier ça avec Michael Da Silva. Donc, on parle, est-ce que les jeux vidéo, c'est vraiment mauvais? Moi, je considère que c'est la modération au bien meilleur goût et dans tous les domaines. La moustache, entre autres. Oui, pas trop de moustache, juste un petit peu de moustache. Avec de la vaseline. Avec de la vaseline, sa moustache. Comme monsieur Gustave Lafenêtre. Oh, notre beau Gustave Lafenêtre. Qui est beau. Et oui. Donc voilà, il nous en parle dans sa chronique Game Over. Ensuite, on parle des nouvelles canalisations qui ont lieu juste à côté de nous, à ma droite. Je pourrais quasiment y toucher. Oui, donc si vous avez vu un gros trou, on vous explique pourquoi il est là. Pourquoi il est là, là? Et on dit aussi qu'on va être dans le trou et dans le bruit jusqu'à la fin de la session. Ça finira jamais, ça. Ça finira jamais. Ouais. On vient sur les conférences midi du tchic, tchic, tchic, tchic. Le chic. Le chic. OK. Donc, le Centre interuniversitaire d'études québécoises. Je pensais que ça serait plus facile à prononcer, mais je me suis quand même enfargée. Donc, c'est M. Éric Bédard, professeur en sciences humaines, lettres et communications à la TELUC, veut... On l'avait reçu, d'ailleurs, en entrevue. On l'avait reçu pour son livre « L'histoire du Québec pour les nuls ». Oui, donc, le même monsieur, il veut faire connaître René Lévesque au-delà du mythe, donc, en parlant des chroniques qu'il a rédigées. Il était dans le Journal de Montréal, entre autres... Oui, je sais pas. Oui, c'est ça, oui, dans plusieurs journaux. Donc, il écrivait quotidiennement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ces chroniques-là, parce que c'est beaucoup plus révélateur qu'un discours qui était préparé des mois à l'avance par les autres politiciens, en fait. Exact. Ensuite, quatrième congrès de la réussite, le succès au-devant des difficultés. Donc, c'est la chaire de recherche Normand Maurice sur la réussite scolaire de l'UQTR qui a présenté du 7 au 9 novembre dernier le 4e congrès de la réussite sous le thème « S'inspirer de la recherche pour mieux intervenir auprès des jeunes en quête d'un premier diplôme, bilan, trucs et astuces ». C'est un sketchy comme nom, hein? C'est vraiment, ça sort, là. Oui. Ça coule sa langue. Oui, super agréable. Donc, le but de ça, c'est que pour une fois, au lieu de parler des difficultés scolaires, on veut vraiment mettre l'accent sur la réussite et donner des trucs pour embarquer là-dedans. Donc, principalement, une conférence qui a attiré l'attention à ce congrès-là, c'est La conférence « La dysphasie au-delà du sommet » de Mme Geneviève Bergeron, qui termine cette année son doctorat en sciences de l'éducation. Donc, si vous voulez plus d'informations, là, il y a aussi le site Internet pour s'informer là-dessus, qui est une conférence très, très, très intéressante. Parfait. C'est tout pour les actualités. On va en société. Moins de textes que la dernière fois. Oui, c'est un peu plus tranquille en société. Personne n'a rien à dire cette semaine. Quand ça va bien, ça va bien. Sauf, bien sûr, Jean-François Veilleux, qui a toujours quelque chose à dire. Ouais. Donc là, c'est 10 choses à savoir sur les armes. Donc, on va parler, entre autres, de la criminalité et de la légalisation. Et aussi, quelques petites aberrations aux États-Unis. Oh! J'ai envie d'en lire une parce que je trouve ça vraiment... Vas-y. Donc, au Missouri, les clients de Max Motors, un concessionnaire automobile, pouvaient choisir en mai 2008 un cadeau gratuit d'une valeur de 250 $. Donc, ils avaient choix entre une arme à feu ou du carburant. Et selon le directeur du concessionnaire, devinez qu'est-ce qu'il a emporté le plus souvent, c'est l'arme à feu. Mais je sais que, c'est sûr, à un moment donné, si t'achetais un pick-up, t'avais un AK-47, c'est malade. c'est vraiment bizarre. Avant aussi, je me serais acheté un pick-up. Prochaine fois, peut-être. Donc, c'est la chronique de Jean-François Veilleux. C'est incroyable. Ça me rappelle, tu sais, il y a eu comme 3 chroniques sur la marijuana. Oui. Là, c'est des armes. On sent comme un pattern en bon québécois, où on pourrait appeler ça un pattern, on pourrait dire un template, on pourrait dire un gabarit. Ou c'est un peu comme... comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça l'affaire que t'étampes, là? Une estampe. Une estampe ou un pochoir. Un pochoir. Hein, François? Un pochoir. Tu sais ce que c'est, là? Ben oui. Parce que... C'est quoi un pochoir? Ben, t'es beau! Je suis en train de faire une blague. Ouais, elle sait. Je voulais justement arrêter ça. Qu'est-ce que t'as dit, Steph, déjà? C'est quoi un pochoir? Ben, voyons! T'es donc ben pochoir que tu sais pas ce que c'est. Fait une semaine, essaie de la placer. Je t'ai aidé, là. Tu m'as vraiment aidé. Je t'ai vraiment aidé. Parce que moi, je le sais, c'est quoi un pochoir? Je sais. Qui ne sait pas c'est quoi? Mathieu savait pas avec que j'en parle cette semaine. Ah ouais, c'est ça. Donc, ben pochoir que tu sais pas ce que ben c'est. Oui. Okay. Alors, on a aussi un texte d'opinion. Oui. Ah oui, on a un texte d'opinion de Stéphanie Gladu, étudiante en communication sociale, qui parle du mois de novembre. Oh, combien difficile le mois de novembre. Ah, c'est triste, hein? Oui. Ouais. La météo, le soleil, la lune. Le gris. Soleil. 50 teintes de gris. Le froid. Ouais. Ben, lisez 50 teintes de nuances de gris. Peut-être que ça va vous aider. 50 nuances de gris. Et pour terminer, le fantasque de Hubert Sanson avec Mafalda. C'est sa caricature. Magnifique dessin. C'est très, très beau. C'est magnifique. On fera les arts et spectacles et le sport dans quelques minutes. Pour l'instant, on va écouter Grizzly Bear. Et une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Yet Again à Assemblage Rock. Yet again, we're the only one. Qui aurait pensé que cette pièce était aussi longue? Grizzly Bear avec Yet Again. Excellente, par contre. Excellente, cette chanson de l'album Shield. Oui, super bon, Grizzly Bear. Je pense qu'on aime ça tous les deux. On devrait en jouer plus souvent. C'est toujours la chronique Zone Campus et Stéphanie Paradis est toujours là. Hey! Oui! Et art et spectacle. Art et spectacle avec Miko, qui est l'artiste francophone à découvrir. Pas juste une artiste. Non, non, pas une artiste. L'artiste. Je ne connais pas lui. Elle. Oh. Désolé. Commande Miko avec un E. On anime assez fou. On connaît toute la musique underground, mais Miko, on connaît pas. Désolé, c'est notre erreur. On connaît pas. Donc, c'est de l'électropop. Donc, c'est le 30 octobre dernier. L'artiste québécoise était de passage à Trois-Rivières à l'occasion des Mardi Live au Gambrinus. Il jouait dans le noir pas mal, apparemment. Oui, selon la photo, il faisait noir. Donc, on parle de sa musique, de son parcours et de ses projets, entre autres, une tournée européenne qui s'en vient pour elle. C'est pas rien. Ouais. Ensuite, on parle de l'impro avec la Luître et la Lime. Donc, pour la Luître, pour le match du 5 novembre dernier, le tout s'est terminé avec un score serré de 7 pour les Verts et de 8 pour les Bleus. Et ensuite... T'as l'air convaincu. Et de 8 pour les Bleus. Ensuite, c'est pour la Lime qui a fêté ses 30 ans en grand. Donc, avec un match avec des légendes de l'improvisation, avec l'ancienne formule de la Lime. Et ensuite, Michel Deschênes était là. Michel Deschênes de C'est fou. On le voit sur la photo. Il est à gauche. C'est le gars qui nous téléphone pour nous dire des faits intéressants. Oui. Qui est en bleu. Il est dans la photo. Il est en bleu. Oui, là. Et ensuite, il y a eu un match avec la nouvelle formule. Donc, c'est beaucoup moins de références au hockey que l'ancienne formule. Oui. Donc, si vous voulez plus de détails, c'est tout écrit dans l'article. Ben, c'est ça, on en parle qu'en surface parce qu'on veut que vous alliez lire le journal. Ben oui! D'ailleurs, on parle encore plus en surface des articles d'Alexandra Carignan parce qu'elle nous en parle déjà dans sa chronique du lundi. On parle en arrêt spectacle, surtout des articles de Lisa-Marie Gaudreau. Son prochain, celui sur les Mardis de la Relève. En fait, ça revient sur le groupe Audionaute. Oui, entre autres... On parle aussi d'Adam Strangler. Oh. Donc, on veut parler de qu'est-ce qui se passe après les Mardis de la Relève. Donc, au-delà des prix, quel est l'impact d'un tel concours sur la carrière musicale des gagnants? Donc, c'est une petite incursion chez les vainqueurs des deux dernières éditions. Très intéressant. Oui, tout à fait. Et la prochaine édition est la 16e au printemps prochain. Oui, étant donné que c'était la 15e. Ça a bien du sens. Hein? C'est ça. Ensuite... Critique musicale. Oh. Donc, la chronique de Maxime Tanguay. Donc, on parle de Damien Robitaille avec son album Omniprésent et de Gros Menet avec Agnus Dei. Oui, justement, ces deux albums-là sont sur le palmarès francophone en ce moment. Oui. Oui. Très bon. Ouais, en effet. On joue beaucoup ces deux-là, je trouve. Oui. Ensuite, après la critique musicale, on a la critique cinéma aussi. Critique cinéma. Donc, là, on a une petite thématique sur l'homosexualité. Donc, avec la comédie musicale Rent et avec le film, c'est de 1999, je ne connaissais pas, c'est But I'm a Cheerleader. Donc, c'est un peu plus cliché, stéréotypé, mais c'est deux films très efficaces qui vont quand même soulever des tabous, là, parler des tabous beaucoup de l'homosexualité. Parfait. Toujours dans le spectacle? Finalement, oui, avec le centre d'exposition Raymond Lagnier. J'entrerai pas dans les détails parce que je sais qu'Alexandra en a déjà parlé. Ouais. Des expositions de Laurent Lévesque et de Kathleen Hall. Voilà pour les arts et spectacles. Il nous reste seulement les sports à faire. Donc, en sport, au volleyball, donc, on parle du bon début de la saison. Ça va quand même bien de ce côté-là. Et ensuite, la natation. Les femmes ont pas dominé le terrain, mais dominé la piscine. On peut-tu dire ça? Les femmes ont dominé la piscine. Donc, les Patriotes s'imposent en natation. Ensuite, en hockey, on a un nouvel entraîneur pour les gardiens des Patriotes, dont M. Patrick Lalime. Et là, je ne parle pas de la Ligue d'improvisation mauricienne, c'est son nom de famille, Lalime. Patrick Lalime, c'est le coach des gardiens ici à l'UQTR? Oui. Quand même, il a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué pour les Sénateurs, lui. Je peux te dire ça, là. Mais en fait, si c'est le même, là, je pense. En fait, il a joué pour les Sabres de Buffalo, les Blackhawks de Chicago, les Blues de Saint-Louis, les Sénateurs d'Ottawa et les Penguins de Pittsburgh. D'ailleurs, il était gardien partant. Donc, en fait, quand même une expérience assez prodigieuse. Une expérience assez solide. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment chouette. Il y a un excellent extracteur à jus aussi. Non, ça, c'est Jack Lalanne. Quoi? Jack Lalanne. Patrick Lalime, Jack Lalanne, ça sonne pareil, non? Non, c'est Larac. pas Georges Larac. C'est Jacques lui qui a un extracteur à jus. Pas en tout. Peut-être aussi. Fait qu'il fait, une pub de ça, là. Ouais, à Boutique TVA. Ben là, j'ai, ouais. Ah, ben quand même, j'aurais pu faire une blague plus relevant. Ça aurait été super la fin. Mais bon. Tu te reprendras. Je vais reprendre une autre fois. Pas choix. Ouais. Ensuite, la chronique d'une foulée à l'autre de Maxime Bilodeau. Il va la faire tantôt avec. Ce sera pas non, celle-là. Non, non. Celle-là, en fait, c'était le 24 octobre, l'épisode qui s'appelait. Oui. L'épisode d'Assemblage requis qui s'appelait Excellent. Donc, allez chercher ça sur assemblagerequis.com. Donc, j'ai fait faire mes recherches par Mathieu Plante. Oui, merci. De rien. Donc, c'est à la recherche d'un vrai numéro 1. Donc, qui est le meilleur athlète du monde? Spoiler, on dira pas c'est qui, mais... Non, mais Wayne Gretzky. C'est pas Wayne Gretzky, c'est ça. Donc, vous pouvez voir ça dans le Zone Campus. Allez pas écouter l'émission là, d'Assemblage requis. Allez lire dans le Zone Campus. C'est différent. Dans le Zone Campus et à la radio, c'est vraiment très différent comme chronique. Oui, c'est très différent. Cette chronique à la radio doit avoir comme 4-5 fois le texte que dans le journal. Fait qu'on gagne. Mais là, c'est super accessible parce que le Zone Campus est en kiosque vraiment partout là, dans l'université. Donc, t'es en train de dire que notre émission n'est pas grand public. Oui, c'est sur le pavillon l'UQTR. Sur le pavillon l'UQTR. Allez en hélicoptère sur un pavillon l'UQTR et prenez votre Zone Campus. Exactement. Voilà. Ensuite, en hockey, on revient en hockey. Tout un voyage pour les Patriotes sont allés à Thunder Bay pour y affronter les Thunder Wolves de Lakehead. Ça, c'est hot comme nom. Les Thunder Wolves. Thunder Wolves. Les loups de l'éclair de tonnerre. Hey, ouais, ouais, ouais. Ils ont l'air épeurants comme ça. Ouais. Là. Donc, résultat partagé, ils ont eu deux matchs durant le week-end. Donc, ils en ont gagné une 3-2 et ils en ont perdu une 2-3-2. Donc, c'est ça. Ça, c'est qu'il faut. Voilà. Ensuite, à domicile, un week-end en dents de scie pour les Patriotes. Hockey qui s'en sortent avec quand même 3 points. Premièrement, ils ont rencontré les Warriors de Waterloo. Malheureusement, ils ont perdu. Et ensuite, c'était contre les Badgers de Brock. Hey, ça, là, les Badgers de Brock, les Warriors de Waterloo, c'est quand même des altérations, ça? Oui. Cool. Oui. Je suis sûr de l'avoir retenu. T'apprends tes leçons. Merci. Figure de style. Mmh. Donc, là, ils ont gagné 6-4. C'est cool. Oui. Et finalement, la chronique de Philippe Doucet. Donc, c'est un petit message d'au revoir. Oui, c'est triste. Oui, parce que là, ben oui et non. Il y a quand même un poste... C'est une promotion, de, là. Oui, un poste de remplacement pour agent de communication des Patriotes. Une belle expérience de travail pour lui, en fait. Oui. Dans le domaine. Ben oui, c'est le fun. Bon, ouais, et malheureusement, ça peut avoir un petit conflit d'intérêts. Léger conflit d'intérêts, oui. Là, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Donc là, on a son avis à lui dans la chronique. Voilà. C'est tout pour les sports et c'est tout pour le journal Zone Campus. En fait, ben, c'est pas tout pour le journal parce qu'on continue à être vitam aeternam, espérons-le. Hein? Oui, puis encore plein d'autres articles là, dont on n'a pas parlé. Ben oui. Vous pouvez aller lire. C'est jamais terminé. Jamais de trop. Donc, l'édition du 12 au 25 novembre 2012, volume 8, numéro 6 du journal Zone Campus. Retrouvez-le partout sur le campus du QTR, sur les toits des pavillons, entre autres, ainsi que dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. C'est celui avec le soccer masculin en couverture. Donc, félicitations, Stéphanie Paradis. On te retrouve dans deux semaines. Oui, à bientôt. À bientôt, bye. Bye, bye. Va-t'en. Ben oui, salut. Bye, on attend ce temps-là. OK, salut. Salut. N'oublie pas tes écouteurs. Donc, nous, on va prendre une petite intermission, quelques secondes à peine. Le temps de s'écouter l'Info Campus, évidemment. Et après ça, on va revenir avec la chronique de Jasmine Raymond-Drainville, François. Ben oui, on va parler de la GEQTR. Donc, avec Jasmine. C'est pas Jasmine Raymond-Drainville, François. Là, ce serait un petit peu trop long. Non, comme non, non, non, non, non. C'est ça. Virgule, François. Okay. On va aussi avoir Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre, qui va, évidemment, encore une fois, être avant le Zone Campus. Donc, hein? C'est qui gagnant là-dedans? On est sa nouvelle. On est là, nous autres. Pauvre Steph. On y vole son contenu. En tout cas. En tout cas. Bref, parle à ma main. Hein? C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 14 novembre 2012. François-Louis Marchand. Mathieu Plante. Oui. Stéphanie Paradis est là. Je pense qu'elle ne veut pas parler en ce moment, mais elle est là pareil. Oh, ben elle ne veut pas parler. Ses écouteurs sont pas plugués avec le bon micro. Ah, c'est ça l'affaire. Hein? Il faut matcher. C'est comme un petit gratin. Il faut matcher le mot avec le... Qu'est-ce qu'on... Je joue pas au gratin. Ouais. Le dé avec l'affaire à coude. Là. Le dé à coude. Avec le foulard. Oui! Comme au tricot, parce que moi, du fait tricot, puis des gratos, c'est la même chose, non? Ouais. Jasmine a fait du tricot, mais elle veut pas dire, c'est ça? Ben oui, je tricote. Mais est-ce que tu fais du gratos aussi? Non, pas en tout. Donc, non. C'est pour ça que tu voyais pas le lien. Ah, ben, il me semble que ça va ensemble, non? Gratos, tricot. Comme on dit, gratos, tricot. On dit, comme le dit l'expression populaire, oui. Gratteux tricot. Incroyable. Donc, voici Jasmine Raymond-Réville à la chronique de la GEQTR. Attention, gratteux tricot chant. AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens, c'est de l'absurde. comme au steak. Dingue de relais, hein? Comme au steak. Ça n'a pas de sens. Ah, j'avais compris comme au steak. Ben oui, comme au steak. Comme au steak. Comme ça n'a pas de sens, puis c'est drôle. J'allais les voir samedi. Ouais. Parenthèse. Au cégep ici. Oui. Ouais, ben oui. Ben, j'ai encore raqué des abdos, là. C'était vraiment. Ah, oh, vrai? T'as ri. J'ai ri. Ah, ben. Donc, de quoi on parle cette semaine dans ta chronique de la GEQTR? On parle de ce qui se passe pour la prochaine semaine dans la GEQTR. Non. Ben oui. Arrête. Oui. Donc, je vais commencer, là, François. M'a fait penser. Que depuis, en fait, deux mois, mm-hmm. ben en fait, depuis deux CA, si on veut, là, depuis deux conseils d'administration. Toi, tu comptes les semaines en termes de CA. En termes de CA, parce que d'habitude, c'est au mois, mais là, il y a comme... Beaucoup de CA. Il n'y a pas eu un mois entre les deux derniers. Donc, on publie les postes étudiants qui sont vacants dans les comités de la GE, puis les comités de l'UQTR aussi. Donc, si vous voulez être au courant des places qui sont disponibles dans les comités de la GE, puis dans les comités de l'UQTR, c'est disponible sur le portail. Puis sur la page Facebook de la GE. Donc, parce que dans chaque comité, il y a souvent des... En fait, il y a des administrateurs qui doivent siéger à des comités. Puis, on a des places étudiantes aussi. Donc, c'est une bonne manière pour vous impliquer. Ça, c'est quoi un étudiant qui désire s'impliquer, en fait, là, peut postuler sur un des postes? Oui, en fait, comme c'est écrit dans le document qui a été déposé sur le portail, vous pouvez soit m'écrire à moi, mon adresse courriel est indiquée, ou sinon, vous pouvez passer nous voir pour avoir de l'information sur les comités. Vous pouvez aller sur le site de la GE, ageqtr.org aussi. Il y a une section comité où tous les mandats des comités sont bien définis. Puis si vous êtes intéressé, vous m'écrivez, vous me dites pourquoi vous êtes intéressé à siéger à tel ou tel comité, ou vous pouvez vous présenter aussi à la réunion du conseil d'administration. La date est indiquée sur dans le document. C'est dimanche prochain, donc le 18 novembre à 17h au 2077 Ringuet. Donc, vous pouvez vous présenter là aussi pour nous faire part de votre intérêt pour un comité. D'accord. Donc, voilà, la liste est disponible sur le portail et sur la page Facebook de la GE. Donc, c'est ça qui est ça pour les comités. Cool, là. Good. Il y en a un en particulier qui est ouvert à tous les étudiants parce que c'est pas tous les comités qui... La plupart des comités, en fait, quand les places sont complètes, ben il y a juste ces personnes-là qui viennent aux réunions. On a, par contre, le comité des affaires pédagogiques qui est ouvert à tous les étudiants. Donc, ce comité-là, c'est une instance de la GE à l'intérieur de laquelle vous pouvez vous exprimer sur la qualité de vos études. Il se réunit lundi prochain à 11h dans les bureaux de la GE. Les étudiants sont tous invités là, à venir donner leur opinion sur les sujets qui vont être abordés. Mettons, dans un comité comme ça, en fait, moi, si je me pointe puis je dis, ouais, mon prof est pourri, ça ben, en fait, ça, non, mais si. Ben là, je vais expliquer en fait ce qui va être les sujets qui vont être abordés lors de la prochaine réunion. Mais si vous avez des problèmes là, avec un enseignant, un plan de cours, quelque chose de même, comme j'en avais parlé à ma première chronique, il y a Mathilde Loisel-Davidson ou Raphaël Landry, en fait, qui sont vice-présidents des affaires académiques. Mathilde au premier cycle, puis Raphaël au cycle supérieur. Donc, quand vous avez des problèmes plus. Donc, plus personnel, ben c'est confidentiel, là, donc vous pouvez aller voir ces deux personnes-là. Sinon, dans le comité, en fait, ça va être des trucs plus généraux qui vont être traités, des problématiques qui sont détendues peut-être à plusieurs, à plus de gens. OK, ça peut ressembler à quoi? Ben là, lors de la prochaine réunion, en fait, il va être question de cours en ligne, de comité de programme, puis du mentorat bac maîtrise. OK. Donc, cours en ligne, là, il y a Mathilde qui travaille beaucoup là-dessus. On en veut plus? On sait pas en fait si c'est bon ou si c'est pas bon. Là. Okay. C'est quand même quelque chose de relativement récent nouveau, là, dans les universités. Je sais qu'il y en a un, j'en ai suivi un en fait par internet. Et puis ça a bien été. Ah, Ça a bien c'est, été. C'est quand même rare. Souvent, les commentaires sont plus négatifs. Ah ouais, pour vrai? Ben moi, j'ai adoré. Non, en fait, là, tu te présentes pas. Tu as des exercices, tu les fais. Puis en même temps, il faut que tu les fasses. Là. C'est sûr que si tu les fais pas. Mais qu'est-ce qu'on dit négatif? C'est pas assez complet. Il manque d'informations. Mais c'est que souvent, il y a des personnes qui ont besoin d'être plus encadrées. Ouais. Si tu es laissé à toi-même et que tu décides que tu commences trois jours avant la fin de la session. C'est pour les petits débrouillards vifs comme François. En même temps, t'as des tests aussi à chaque... ben, en tout cas, moi, pour la mienne, ce que j'ai suivi... Tu te présentes en classe, là, ouais. Ben oui, et j'avais des tests aussi à remettre par Internet à date fixe, là, en fait, là, que je connaissais un peu au début. Et puis, non, j'ai vraiment aimé. Sincèrement, moi, s'il y en avait plus, c'est une chose que j'aimerais bien. Mais en fait, je pourrais me présenter au comité et aller en parler, ouais, c'est ça. Puis, en fait, là, je partirai pas pendant trois heures sur les cours en ligne, là, mais il y a aussi, c'est parce qu'il y a des bacs au complet qui se donnent en ligne. Oh. À l'UQTR, il y a le bac en traduction qui se donne au complet en ligne. Il y a des certificats complets en ligne, fait qu'il y en a qui se questionnent à savoir. Qu'est-ce que ça vaut? T'sais, est-ce qu'un bac en ligne vaut autant, t'sais, qu'un. En fait, c'est le même prix aussi. Ah, ça, c'est bizarre, par contre, c'est le même prix, mais il n'y a c'est pas... C'est le même prix, l'enseignant, en fait, ne se présente pas. Par contre, j'imagine qu'il doit être disponible à c'est lui qui monte le cours aussi pour Internet, j'imagine. Oui, j'imagine, mais en même temps, tu le montes une fois, tu sais. C'est sûr. Non, c'est ça. Donc, vous pouvez en parler dans la prochaine réunion du côté des affaires pédagogiques. En même temps, j'en ai un cet hiver, j'en ai jamais fait. C'est quoi ton cours? Ben, c'est un cours que je vais avoir en ligne à l'Université Laval, un cours de phonétique. Fait que j'ai bien hâte de voir de la phonétique en ligne de quoi ça va avoir. Il va-tu avoir des vidéos, des clips, on sait pas. Bref, on pourrait continuer longtemps là-dessus. Ouais. Intéressant. Donc, voilà, vous pouvez venir au bureau de la GE lundi prochain. Donc, on va être le. On va être quelle date lundi prochain? Le 19 prochain à 11h au bureau de la GE pour le comité des affaires pédagogiques. Puis, ça, c'est dans vos bureaux, en fait, on se présente là. Puis c'est là que ça se passe. Oui. OK. Prenez ça. Vous venez là, il y a Mathilde qui va vous attendre. Et, okay. Voilà. Puis, si jamais, après ça, vous êtes intéressé à siéger de façon permanente, là, à avoir un droit de vote si jamais il y a des décisions qui se prennent, là, parce que juste les personnes qui siègent de façon permanente dans les comités ont le droit de vote. Ont le droit de vote. Ben, vous allez pouvoir vous informer à Mathilde à savoir s'il y a des places, des postes vacants dans le comité. Hold up. Donc, voilà pour le comité des affaires pédagogiques. J'ai goût d'y aller. J'ai goût de dire, j'en veux plus, moi. Des cours en ligne? Ouais. Ben, vas-y. Rien t'en empêche. Va jaser avec Mathilde. Ah, c'est ça. MLD. Ouais. Meldy. Ensuite? Tribune libre. Oui, Tribune libre. Tribune libre. Et bien, à Chasse-Galerie. Oui, oui, ça me plaît ça. Donc, la prochaine Tribune libre, ça va être le vendredi 23 novembre à midi. Puis, c'est vraiment cool. On reçoit le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne. Puis, lui, il va venir rencontrer les étudiants pour s'entretenir avec eux pour préparer le sommet sur l'enseignement supérieur, le fameux sommet promis par... Pauline Marois. Mm-hmm. Donc, voilà. Fait qu'il va venir discuter avec les étudiants là pour un peu... prendre le pouls. Prendre le pouls un peu des étudiants à ce sujet-là. Puis de voir comment ça se passe. La formule est comment cette fois-ci? Ça dépend pas mal. Ouais. Parce que là, en fait, avec Robert Aubin, c'est toujours... bien friendly. C'est toujours bien friendly. Là, on prend des tables puis on s'assoit avec lui pour jaser. Mais normalement... ben, pas que c'était pas normal, là, mais plus fréquemment, en fait, la personne qui est là pour donner la conférence va être... sur la petite scène là, à la Chasse-Galerie avec un micro puis comme Denis Coderre d'où le nom Tribune libre là, après ça fait que tu manges ton sandwich, tu lèves ta main après ta bouchée de sandwich puis tu poses ta question. Ouais, c'est ça, tu prends une gorgée puis tu fais comme quand tout le monde crache leur comme quand ils sont surpris. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, j'imagine, faire ça. Ouais, comme t'es surpris puis non, peut-être. Laisse donc faire, on verra. Continuons. Donc c'est ça, vendredi le 23 novembre à midi. Ensuite, pour la coupe des associations, j'ai plusieurs activités. En fait, j'en ai trois. Premièrement, on va y aller en ordre chronologique. Oui. Ça vous va? Bon. Le festival des groupes aériens. J'avais hâte que tu nous en le parles. Le Airband. Ah oui. Donc, très cool. Ça a lieu demain soir, donc jeudi le 15 novembre, dès 20h à la Chasse-Galerie. Pour vous inscrire, vous écrivez à vpasso.agea@commercialuqtr.ca. Donc, Monsieur Mathieu Roy. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain 17h. Ça commence à 20h. Fait que c'est pas si pire. Vous décidez à la dernière minute. Donc, en fait, les participants vont être évalués en fonction de l'originalité, les costumes, la prestance, le contact avec le public, le l'intensité. Le maniement des instruments aériens. Aussi, ouais. Donc, c'est tous les instruments, la batterie, clavecin. Ça peut être de la flûte, n'importe quoi. Ça dépend de ton band, j'imagine, de la chanson que tu choisis. Mais oui, quelqu'un peut jouer du triangle. Là, tu peux y avoir de l'harmonica. Dans une chanson. Ça serait hard. Ça serait donc, cool. Un concours de air band demain. Demain. J'ai bien hâte. Demain, allez-y, surtout pour le nom. Pour le nom, c'est juste, c'est vraiment génial. Là, mais donc. Mathieu se surpasse activité après activité. Là. Oui. Il y avait eu le, il est surprenant. Le championnat national trifluvien universitaire de... Tir au poignet? Oui. De tir au poignet aussi. Là. Donc, Comment ça s'est fini, ça? Ça s'est bien déroulé? Mais il paraît que la fille d'ergothérapie était vraiment impressionnante, mais je sais pas c'est qui. Okay. Mais je sais plus qui a gagné, par exemple, par cœur. Ouais. Mais la participation était quand même bonne, ou? En tout cas, Mathieu était bien content. Ouais. Il y a eu plusieurs participants. Là, je ne sais plus. Good. Quinzaine, peut-être. Je sais que ça fonctionnait avec ton poids, tu sais. Ce qui est quand même. Poids plume, poids. Ah, c'est ça. Catégorie. Ouais. Mais il pesait pas les gens. Le urban, tu peux peser le poids que tu veux. Si on peut y aller en équipe ou seul. Ben, idéalement, c'est en équipe. Soit en groupe, tu sais. Ouais, mais tu sais, ouais, urban, j'avoue. Mais tu peux être aussi genre un homme orchestre. Les cymbales, c'est juste. Tu vas avoir de l'air un peu bizarre. Tu peux être un band à toi-même. On va aller faire du cymbale, de la cymbale de genou. Ouais. C'est ça. Donc, ben vas-y, demain, 20h. Ouais. C'est vendredi. La chasse galerie, t'as jusqu'à 10h. Ça, c'est gratuit. Si on veut y assister, c'est gratuit. Évidemment. Ben oui. Bon, parfait. Bon. Il nous reste deux activités dans la Coupe des Assos. Oui. Soirée artistique, que dis-je. En fait, c'est une soirée. Voyons, je suis pas capable. Tu l'avais déjà dit une fois, là. Tu n'as pas obligé de le répéter. Une soirée musicale. Donc, en fait, vous choisissez votre chanson qui peut être une vraie chanson ou une composition. Vous venez jouer ça à la chasse-galerie. En groupe ou en solo, des vrais instruments, soit comme plutôt conventionnels ou que vous avez fabriqués. Okay. Ça ressemble un peu à ce que tu avais jugé, je pense, l'année dernière ou l'autre d'avant. Oui, je me rappelle plus du nom exactement, comment ça s'appelait. C'était pas mal ça. Là. Je sais plus c'était quoi le nom par cœur, mais j'ai pensé qu'il y avait eu quelque chose de semblable. C'est le même principe, en fait. Ouais. Là, les gens se présentent et puis. Tu peux faire des maracas de macaroni ou des macaracas. Des macaracas. Fais ce que tu veux, macaracas. Macaracas. Macaracas. Essaye de chanter une chanson. Bon, donc voilà, vous venez jouer votre tune, bref, à Chasse-Galerie. J'ai même pas écrit la date. Je vais vous revenir avec ça. Mais en tout cas, c'est pas cette semaine, là. Fait que vous pouvez vous inscrire. Il vous reste, je pense, 2 semaines. Là, on va en parler dans la prochaine chronique. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, parce que la date m'a pas encore été indiquée. Fait qu'écrivez à vpsocio.agea.commercialuqtr.ca pour avoir des infos pour vous inscrire. Vous faites la liste de votre matériel à Pascal, là, qui vous allez écrire, puis il va tout pouvoir trouver ça. Puis c'est ça. Il y a un thème à respecter, c'est 12 novembre. Donc, vous laissez... Ça veut pas mal tout dire, ça. C'est 12 novembre, c'est ouais, ça. 12 novembre. 12 novembre. C'est pas de métal là-dedans. Pas de grosse affaire qui va. Non, mais 12 novembre. Non, mais ton novembre peut être n'importe où dans ta tourne, là. Ah, oui. Hein? Bon. En tout cas, dernière activité. Parlant de novembre, c'est le Movember auquel vous participez pas en doute. Là. Vous êtes vraiment plate. Hey, c'était plate tantôt notre affaire. On avait l'air vraiment comme super contre, là. Mm-hmm. Le Movember? Ouais, non. Parce que vous aimez pas les moustaches? Non, parce qu'on trouve que personne aide vraiment à la cause juste en portant de moustache. Ça donne à rien. Faut que tu donnes l'argent à la cause, non? Mais quand on s'est ostiné, on peut s'ostiner encore, mais en fait, moi, je trouve que c'est quand même... Tu sais, tu supportes quand même la cause sans... Sans rien faire, c'est ce qu'on dit. Ben, sans rien faire. Ta moustache, c'est la tienne en plus, parce qu'il me semble que t'en avais une l'année passée. Il y a 2 ans, je pense. Non, l'année passée. L'année passée, puis c'était pas... En tout cas... C'est pas très beau. Non. Non, pas ça manquait de vaseline pour qu'elle soit plus grasse, pour faire un look, là, tu sais. C'est ça. Bon, donc, en tout cas, ça finit le 30 novembre. Il y avait un 31 octobre, c'est ça. Puis un 31 décembre. Donc, ça finit le 30 novembre. Si vous voulez venir vous faire raser la moustache, ben venez au 10-12 à midi le 1er décembre. Donc, 10-12 Néry-Bourgchemin. Puis, puis l'association qui va amasser le plus de poils va avoir des points. Ça va être calculé. Pourquoi vous mettez ça dans des... Ça va être calculé au poids. Ah ouais, pour vrai? Ça va être calculé au poids. C'est génial. Donc, l'association qui a le plus de poils, qui a le poids le plus pesant. Comme poids, mais avec un L. C'est ça. Donc, va recevoir des points pour la Coupe des associations. Puis, l'association qui va avoir le plus de dons aussi va en avoir. Ben justement, c'est ça. C'est pour rappeler aux gens aussi, faites des dons. Faites pas juste vous pousser la moustache, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Pousser, si tu veux la couper à la GE, c'est formidable, là, en fait. Là. Tu vas faire ton don par par la famille. Et voilà. Ouais. Formidable. Et voilà. Et vas-tu encore avoir des biscuits à la moustache? Non. Ah non! Non! Ah, c'est la meilleure affaire, oui, là. Oui, je sais. J'en ai mangé pendant 3 semaines après. Ben oui, t'en as peut-être mangé trop. Il t'est rendu sec un peu. Ouais, donc, non, parce que c'est moi l'année passée qui avait. Moi et Ariane qui étaient à la GE dans ce temps-là, qui avions fait des biscuits en moustache. C'était très bon. Est-ce que tu vas tricoter les moustaches? Vu que t'es au tricot. Trop long. Trop long. Ben voyons donc. Caroline, franchement, prends du feutre, là, tu sais, puis... pas encore rendu, j'ai comme diminué puis augmenté mes mailles, là, fait que faudrait que j'apprenne ça, puis je pourrais peut-être en faire après ça. Parfait. Je vais faire au crochet, ça va être plus rapide. Mm-hmm. Bon. Tricoter ou crochet, c'est quoi la différence? Ouais. Hein? Tu tricotes pas au crochet, tu tricotes ou tu crochettes. Oh. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Un tricot, t'as plusieurs broches, puis le crochet, t'as juste un crochet. Ah, ben c'est oui. Ça. Tu sais, pourquoi pas? Voilà, je vous expliquerai pas ça à la radio, là, j'ai de la misère à le faire même quand je l'ai dans les mains. Mais c'est ça, alors, c'est ce qui manque, là, tu sais, c'est ce qu'on dit sur la section programmation. Ah, justement, j'étais même pas sûr de ce que j'avançais, mais sur notre section programmation depuis comme genre 2 ans, c'est nous nous excusons pour l'absence d'émission sur le tricot. On n'a pas encore ça. C'est vrai? C'est vrai. Donc. Mais l'année prochaine. L'année prochaine, on cherche une émission sur le Tupperware. Tupperware. François qui va animer c'est ça plate, avec par exemple. Le tricot. Puis, qu'est-ce qu'on avait dit, les gratteux aussi. Gratteux tricot. Mais des genres de cheats, de tu sais, comme aux jeux vidéo, t'as des cheats. C'est pour avoir des cheats, c'est gratteux aussi. Comme, comment tricher au gratteux pour gagner, non? Moi, je connaissais un gars qui savait quand même, mais... Pas pour vrai. Ouais, ils ont changé ça, là, oh. Parce que, en fait, là, ça c'est comme su, là, mais... C'était avec une lame de rasoir, en fait, tu... Parce qu'en fait, sur chaque gratteux, le code était comme tout à la même place, puis ouais. Nul s'est découvert aussi. Okay. Puis tu faisais une ligne et tu regardais si c'était pareil. En fait, là, tu l'achetais puis tu gagnais. Mais bon, faites pas ça. Peut-être qu'il y a un ami au dépanneur qui va te laisser. Hey, travaille au dépanneur. Ah, c'est ça l'affaire. Mais c'est comme dans Back to the Future, là, où est-ce qu'il va comme tu sais prévoir les résultats des affaires. Des tirages. C'est la semaine passée, fait que. C'est vrai, c'est arrivé comme plusieurs fois pendant l'année où les gens disaient que Retour vers le futur, c'était la date. Il y avait eu comme des Photoshop. Et hey, je l'ai écouté le 4 novembre, puis c'était comme dans le film, les partants du 5 novembre. Mais c'est vraiment le 5 novembre. Énervé, ben oui. Est-ce que c'était 2012? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Ben rien, pas en tout. Je me suis juste dit, hey, j'ai écouté Back to the Future, puis ça se passe le 5 novembre, puis on est le 5 novembre. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Qui aurait pu penser que mes niaiseries allaient mener vers quelque chose d'intéressant? Hein? Ah. On a parlé de gratuit, puis on parle de Retour vers le futur. C'est ben intéressant, oui. Ça? Ben oui. C'est ça, la collègue de la GQTR? C'est pour ça qu'on chante une chanson ridicule au début, parce qu'il y a du contenu à 90% sérieux et intéressant, et t'as la connerie autour qui vient alléger la chose. Ouais. Même ça marche. Hey, mais en terminant, je pensais que tu allais nous parler du génie en herbe. Ça se déroule quand, ça? Est-ce que t'as ça? Je pourrais vous parler pendant 3 heures à peu près. OK. C'est pas la semaine prochaine. Le génie en herbe, c'est la semaine prochaine. OK, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. OK. Mais tu vas en parler la semaine prochaine. Mais parce qu'en fait, les inscriptions, Mathieu, puis. Sont terminées? Mathieu et Pascal, en fait, acceptent les inscriptions jusqu'à comme vraiment tard. Fait que c'est pour ça que j'en parle pas trop d'avance non plus, parce que le monde s'en rappellera pas. Formidable. C'est ça. Tu fais bien. T'es bon. Je vous en parlerai la semaine prochaine, puis vous allez encore pouvoir vous inscrire, mais c'est le jeudi 22 novembre. Cool. OK. Les questions sont en composition présentement. Ceux de ces fous sont faits. Je sais. On travaille sur les tiennes pour faire les miennes. Bon. Bon, c'est ça. À chaque fois qu'on dit c'est fini, c'est pas fini. Non, mais... c'est ça. Fini? Là, fini? C'est elle qui dit, donc c'est maintenant. C'est elle là-bas, ça? Ouais. D'accord. Merci. Jasmine Raymond-Dreville, à la semaine prochaine, mercredi, à 8h. Ben oui. Bye. Salut. Ouais. On n'avait pas d'Anne-Julie Durocher aujourd'hui. On va la retrouver, elle aussi, sûrement la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Des fois, on dit ça, bon, on sait jamais vraiment. Non, on va revenir. J'ai confiance. Dans quelques minutes, on reçoit Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre. Et il va nous parler dans sa merveilleuse chronique d'un sujet dont tu as parlé toi la semaine passée. C'est toi qui l'as amené vers ce sujet-là. Le dopage dans les sports. Dans tous les sports. Impossible qu'il y en ait au beat. C'est impossible. Ben, au golf. Les billes, c'est pas vraiment un sport. On dit tous les sports, les pêche-notes. Ouais, mais les quilles, c'est un sport. Je vois pas en quoi te doper pour améliorer tes capacités. On va lui demander tantôt. On va lui demander. Pour l'instant, on écoute Magic. Voici Breathing Underwater. Bloop et bloop. C'est un assemblage requis. I'm

gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Stop us now. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us.